rap, planète rap. C'est le hess. Je me barre là-bas à Malaga. Malaga, Granada. Tu m'as déjà vu sur l'avenue de Bengla. L'avenue de Bengla, en Jumeta. Mon bâtiment 2 en Fomla do Carpla. Bâtiment A. Il doit délover, mais il est même pas là. Il est même pas là. Il a déjà benda. J'ai déjà pris mon billet pour Amsterdam. Il est plus là, yeah. Il a déjà benda, yeah. Sur l'avenue de Bengla. Il enfile le tempo, il a plein les blèmes, pro, il fait bosser à déco. Il refait la dépo, il finit au dépôt. 3 heures après, il est en mandat dépo. Il fumera toute sa peine, il sortira costaud. Il fumera toute sa peine, il sortira pas costaud. Sous l'effet de la rata, il viendra t'accoster. Je me barre là-bas à Malaga. Malaga, Granada. Tu m'as déjà vu sur l'avenue de Bengla. Avenue de Bengla, en Jumeta. Moi je m'en veux en Fomla do Carpla. Fomla do Carpla, bâtiment A. Il doit délover mais il est même pas là. Il est même pas là, il a déjà fait mal. J'ai déjà pris mon billet pour Amsterdam. Amsterdam, chaîne de Skyrock.